qu'avec les années, les choses changent, y compris ce qu'on tenait pour immortel. Il faut bien se faire à l'idée que toute chose meurt. Comme le temps coule entre nos peines, et comme dans la joie passent les heures, il faut bien se faire à l'idée que toute chose meurt. Comme à l'égrené les êtres passent, où sont-elles ces belles âmes que je pleure? Il faut bien se faire à l'idée que toute chose meurt. Il viendra mon tour comme les autres. Il se peut que ce soit demain de bonheur. Il faut bien se faire à l'idée que toute chose meurt. Profitons-en tous du temps qui passe, ne laissons pas attendre le bonheur. Il faut bien se faire à l'idée que toute chose meurt. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hello.